40 000 problèmes. Laissez-moi vous dire qu'il minimise largement. Et le plus fou dans tout ça, c'est pas le nombre, mais c'est le fait qu'à chaque problème, il a trouvé une solution. Bonne ou mauvaise, il n'appartient qu'à lui d'en juger. Vous, vous vous inquiéteriez du sort d'une personne qui ne veut qu'une chose, c'est vous voir les tripes à l'air? Je pense pas. Eh ben, il est comme vous, mais en pire. Ce qui fait que ce que vous, vous appelez un massacre, lui, il appelle ça le coup d'avance. L'anticipation lui permet de tenir le scalpel à la place de celui qui voulait jouer avec ses intestins. Et sa pauvre mère qui lui disait de rentrer à la maison. Ah, malgré tout l'amour qu'il lui porte, là, dans l'angle mort de cette ruelle carnivore, je crois bien qu'il était déjà chez lui, le petit.